Chapitre 3e. Un peu moins de 4 ans plus tard. Moscou, cimetière de Novodevitchie, début novembre. Vladimir Popov descendit avec précaution de la ZIL présidentielle. Le ciel était gris et bas lorsque le chef d'État déambula entre les tombes. C'était son mentor que l'on inhumait ce jour-là, son ancien patron, son ami, son conseiller, un peu son père aussi, Oleg Mostovoï. Aux abords de ce cimetière, où un carré était réservé à ceux qui avaient apporté une contribution significative à l'humanité, une foule s'était massée, non seulement pour rendre un dernier salut aux défunts, mais aussi pour tenter d'apercevoir le président en exercice. Le vibrant hommage qui était rendu aux disparus attestait la place que cette célébrité avait occupée dans les cœurs. La cérémonie rassembla des dizaines de personnalités de la classe politique, à commencer par les dirigeants du KD, le Parti constitutionnel démocratique, membre de la coalition au pouvoir, le parti de Vladimir Popov. Le ministre de la Culture, Nadejda Ivanovna Vorobiova, diminutif Nadia, la cinquantaine, les yeux très bleus, de longs cheveux roux, était visiblement très affecté mais digne. Tout de noir vêtu, le regard caché derrière de grandes lunettes sombres, elle fut la seule à répondre aux questions des journalistes au nom du gouvernement. Au journal télévisé de la mi-journée sur Rossiya 1, la ministre avait salué un homme à la culture infinie, avec qui l'on avait toujours plaisir à parler, même si on était un peu complexé. Elle ajouta même un homme d'une grande humilité et un grand patriote. Figure respectée et érigée en modèle par ses pairs, Mostovoï avait un caractère ombrageux. Ses colères étaient aussi célèbres que sa poigne de fer dans un gant de velours. C'était donc la mine grave que le président de la Fédération de Russie était arrivé au cimetière de Novodevitchie pour lui rendre un dernier hommage. Au terme de la cérémonie religieuse, la fille du défunt, Elena Anastasia Olegovna, conclut les obsèques en prononçant quelques mots qui émurent l'assemblée. « Tu es l'homme le plus vivant que je connaisse, et la mort te va si mal. » Le président Popov s'accorda quelques instants pour toucher le cercueil de celui qui lui avait naguère mis le pied à l'étrier. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration avant de se signer par 3 fois, à la manière orthodoxe, de haut en bas, puis de droite à gauche. L'enterrement achevé, accompagné de Nadia Vorobiova, la ministre de la Culture, le président Popov regagna sa voiture. Une fois à l'intérieur et à l'abri des regards indiscrets, il s'affala sur la banquette arrière en moleskine. Le véhicule démarra pour le palais des Thérèmes au Kremlin. Alors lui revint tout ce qu'il avait vécu pour atteindre cette haute fonction politique. Il reconstitua son glorieux cheminement, tandis que, par la vitre arrière, il voyait s'éloigner la dernière demeure de son protecteur. Vladimir Popov avait fait la majeure partie de sa carrière d'active au KGB, en Allemagne de l'Est, dans l'ancienne République démocratique allemande, la RDA. En poste à Berlin-Est, il y résidait officiellement en qualité de chercheur associé de l'Académie des sciences. Sa thèse de psychologie intitulée « De la psychologie des masses », rédigée en allemand et en russe, analysait des textes liés au marxisme originel, des archives de l'époque fasciste et des discours de divers dirigeants nazis, Hitler en tête. Besogneux et travailleur, il intégra le comité de conformité idéologique de l'université. Durant toute la période communiste, pour pouvoir obtenir le grade universitaire de docteur, il était nécessaire de joindre à toute thèse de doctorat un écrit prouvant que les connaissances en marxisme-léninisme du postulant avaient bien été approfondies durant ses études. Ce fut pour préparer cette validation qu'il fut le tuteur d'une jeune étudiante en biologie, Greta Kemster, pour son mémoire « Qu'est-ce que le mode de vie socialiste ?» Après cette expérience, Popov rentra à Leningrad pour y devenir l'adjoint aux affaires internationales du recteur. Officiellement, il était lieutenant-colonel de réserve du KGB. En réalité, il contrôlait la mise en place de la perestroïka voulue par le pouvoir central. Des raisons familiales, la maladie de son père, le poussèrent alors à vouloir se rapprocher de Moscou. À la même époque, Oleg Mostovoï venait tout juste d'être élu maire de Zelenograd, une ville nouvelle, sortie de terre en 1958. Elle avait été une ville close jusqu'en 1991. Elle avait été conçue comme la Silicon Valley. Elle abritait sur son sol toutes les industries de pointe de la région centrale, électronique, microélectronique et informatique. Dans cette cité, chef-lieu de l'un des 12 districts de Moscou, la quasi-totalité des élus ou des cadres de la ville appartenait aux services secrets ou tout au moins à l'appareil d'État. Popov y accepta le rôle de maire adjoint aux affaires internationales du soviet de la ville. Son pragmatisme et sa formation d'espion firent de lui, en très peu de temps, l'une des personnalités incontournables de la cité. Popov, bourreau de travail et d'une indéfectible fidélité à son patron, remplaçait Mostovoï à chacune de ses nombreuses absences. Quelque temps plus tard, Vladimir Popov devenait premier adjoint. Quand Oleg Mostovoï prit la tête du KD, le Parti constitutionnel démocratique, Popov devint à sa place le président pour le Grand Moscou. C'est à cette occasion qu'il rencontra Dimitri Anatolievitch Kozakov, moins âgé de 20 ans. À l'époque, le jeune homme présidait le mouvement de jeunesse du parti, les cadets. Peu de mois plus tard, Mostovoï fut appelé au gouvernement pour la première fois par Boris Lemakin comme ministre du développement régional. Popov se vit alors proposer une séduisante alternative, soit administrer la mairie de Zelenograd, soit intégrer la présidence en tant que directeur général adjoint en charge des relations avec les régions. Afin de rester au plus près de son mentor, il opta pour la fonction administrative, tournant le dos pour un temps à ce qui s'annonçait pourtant déjà comme une prometteuse carrière politique. La mairie de Zelenograd échut alors au jeune Kozakov que Popov avait pris sous son aile. Dans la voiture qui filait à bonne allure vers le Kremlin, sous une pluie battante, le président Popov somnolait, vivement ému par les obsèques de Mostovoï. C'est à peine s'il remarqua quoi que ce fût, encore plongé dans le souvenir des événements qu'il avait propulsés 4 ans plus tôt au sommet de l'État soviétique. À ses côtés, Nadia Vorobyova parcourait un épineux dossier sur les intermittents du spectacle. Cela le ramena à la réalité du moment, quand, se décidant à consulter la revue de presse quotidienne spécialement préparée pour lui, il découvrit qu'il était beaucoup question des Veuves Noires, le mouvement indépendantiste islamiste du Tokaristan dont Fatia Amadovna Isaourova, 37 ans, était la figure de proue. Il revint aussitôt en mémoire la vague d'attentats suicides perpétrés les mois précédents par des jeunes femmes. Elles avaient semé la psychose. Il se souvenait que la première des kamikazes torakistanaises s'était fait exploser devant la base militaire d'Olirask, ville voisine de Kemerovo. Un peu plus tard, dans le même mois, une autre femme au profil identique avait été soupçonnée d'avoir participé à un double attentat dans le port de Balaklava, en Crimée. Le mode opératoire était celui d'Islami Harakati Mukawama, le mouvement de résistance islamique auquel les Veuves Noires avaient fait allégeance. Ces agressions, toutes perpétrées en dehors des frontières du Tokaristan, dont le groupe était originaire, laissaient présager une opération de grande ampleur visant à déstabiliser au minimum l'Altaï, au pire le pays tout entier. Fatia Yazurova, après le décès de son époux, militant comme elle, fit l'acquisition d'une vaste propriété dans l'arrière-pays d'Arsikouchi, capitale du Tokaristan. Elle paya grassement le négociant ukrainien grâce à l'aide généreuse des pétromonarchies du Golfe. Cette bâtisse cossue avait été édifiée à l'emplacement d'une ancienne chaumière délabrée, mais qui jouissait d'un magnifique panorama sur les montagnes. Le terrain était vaste et cerné de toutes parts par la forêt. Ce site protégé, le petit palais de l'Ukrainien, ou la pension des Veuves Noires, comme l'appelaient les autochtones, se trouvait à l'abri des regards indiscrets ou de la rapace jalousie des habitants du hameau voisin. Justement, parce qu'il était doté d'une vingtaine de pièces et loin de tout, ce manoir était l'endroit idéal pour y installer une pension un peu particulière. Fatia Isaourova fit donc de ce havre de paix un lieu d'accueil pour les veuves de guerre et les orphelins du djihad. Des femmes et des enfants affluèrent des quatre coins non seulement de la Russie, mais aussi d'autres républiques d'Asie centrale. Quand un combattant russophone tombait en Syrie, en Afghanistan ou en Irak, sa femme rejoignait la pension de Fatia. Quand un Ingouche, un Tchétchène ou un Daghestanais était liquidé par le KGB, ses filles venaient trouver le repos au Tokaristan. Celles qui le souhaitaient pouvaient refaire leur vie dans le respect et la dignité en épousant, selon leur âge, un veuf du pays ou un jeune soldat de la garde présidentielle. D'autres, inconsolables, plus désespérées ou plus courageuses, décidaient de venger le sang des leurs en faisant payer les Russes pour leur oppression. Elles suivaient un entraînement physique, apprenaient le maniement des armes et finissaient leur parcours une ceinture d'explosifs autour de la taille dans une gare, un centre commercial ou un cinéma. Elles se faisaient appeler les Veuves Noires, à la fois parce qu'elles portent toutes le niqab noir à l'afghane au sein de la pension, mais aussi parce qu'elles tuent, comme les araignées du même nom, lors de leur apothéose kamikaze. Elles sont bien plus redoutables que les hommes. à la connaissance du président Popov, depuis les premières chrétiennes mortes en martyr dans les cirques de l'Empire romain, il n'y a pas eu d'autre femme à finir ainsi. Elle volait à la mort comme les abeilles au miel, aurait pu dire Tertullien. Maintenant qu'il circulait à bonne distance du cimetière moscovite de Novodevitchie, où reposait Oleg Mostovoï, le véhicule officiel affrontait un orage. La pimpante Nadia Vorobiova, au visage rubicon, s'était assoupie après avoir parcouru son dossier sur les intermittents du spectacle. Popov rangea ses coupures de presse et prit son téléphone. Il était convaincu que, pour couvrir sa mandature, il fallait associer histoire et légende. L'histoire pour l'ensemble, la légende pour le détail. Aussi s'était-il entouré d'un historiographe, le philosophe Mikhail Fyodorovitch Lyapunov, et d'un chroniqueur, le biographe Léonide Sergueïevitch Kikov. À cette heure qu'il voulait forger sa légende, il appelait donc Kikov son expert en communication. Quelques mois plus tôt, il avait fait parvenir aux gouverneurs des régions, aux hauts fonctionnaires, aux cadres du parti présidentiel et aux diplomates divers ouvrages de philosophie. Nos missions d'Ivan Ilin, la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdiaev, la justification du bien de Vladimir Soloviev et d'autres œuvres de penseurs ou d'intellectuels russes du XIXe et du XXe siècle. Quel choc pour la plupart de ces hiérarques blanchis sous le harnais, habitués depuis la période soviétique à recevoir des ordres simples, voire brutaux, et à les appliquer sans réfléchir. Les plus philosophes décryptèrent le message subliminal que leur adressait le président Popov. Il y avait entre ces vieux textes et les temps présents comme l'annonce et la réalisation d'une prophétie. Ces ouvrages de référence appelaient de leur vœu l'avènement d'un âge nouveau pour la Russie, émergence d'un guide de la nation dans une démocratie authentique, importance de protéger le caractère orthodoxe et slave d'une civilisation qui n'avait de toute façon pas sa pareille à l'échelle planétaire, souci d'ancrer la morale dans la religion pour rendre son âme slave au peuple russe, et puis fierté, patriotisme, capacité à relever la tête face à un Occident méprisant et hostile. Le président Popov fit aussi circuler un mémo auprès de 300 militaires, diplomates, intellectuels russes, pour leur demander d'imaginer la future Russie et surtout d'analyser sans phare les forces et les faiblesses du système en place. La question centrale était la suivante. Doit-on s'édifier comme une civilisation séparée ou se tenir en réserve d'une Europe à repenser ? Parmi les candidats figurait un certain Alexandre Konstantinovitch Koslov, ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris. Il était le beau-père du lieutenant-colonel Ivan Kirillovitch Kuznetsov, particulièrement apprécié par le président en tant que chef d'état-major adjoint détaché auprès du Premier ministre. Vladimir Popov, qui avait bien en mémoire, parmi les nombreuses contributions, les axes du projet de Koslov, demanda à Nadia Vorobiova, à présent que la voiture arrivait au Kremlin, de tout mettre en œuvre pour qu'Alexandre Koslov puisse finaliser son rapport.